On s'est évidemment pressé. Et mademoiselle Bermondette a encore un peu, tel un fil d'argent qui sert à tirer un bijou rose, encore un peu de fleurs de farine autour des ongles. Exquise, la fougasse pétrie par ses mains petites et brunes. Exquise aussi les mélodies rustiques que ses mêmes mains éveillent sur le piano. Tandis que dehors, les grands cyprès, qui, les jours de Mistral, se tordent si furieusement, et les deux roseaux gémissant sous la rafale avec un bruit de soie froissée, se dressaient, immobiles, sans un frisson, dans l'air alangui. À ce moment, les chiens aboyèrent, et un homme apparut devant la porte ouverte. « Bonjour, la compagnie. Excusez si je vous dérange, mais c'était pour savoir si vous auriez besoin d'un moissonneur. »« Entrez, l'ami, vous tombez bien. Les épis sont lourds, la récolte presse. » Et l'homme entra. Un paysan timide et fier, avec sa faucille en croissant de lune dont une baguette évidée cercle tranchant, l'étui plein d'eau de sa pierre à aiguiser et ses doigtiers luisants et jaunes taillés dans un nœud de roseau. On trinqua, une fois encore pour sa bienvenue. « À l'amitié ! À l'amitié !»